temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de l'année 1967, une année qui dans nos mémoires apparaît peut-être a priori moins riche que la suivante, mais pourtant... C'était il y a 50 ans, donc, une survivante des camps, l'écrivain Charlotte Delbault, écrivait un texte dans lequel elle imaginait la rencontre d'une rescapée des camps nazis avec un Allemand intitulé « Ceux qui avaient choisi ce texte » et monté ces temps-ci par un jeune metteur en scène. Anaïs Quien et Anne Fleury ont suivi la préparation de cette mise en scène et nous écouterons leur documentaire sur ce thème. Demain, mercredi, nous évoquerons le film collectif réalisé et diffusé en 1967 « Loin du Vietnam » avec l'historien Laurent Véret. Et jeudi, nous débattrons de la jeunesse française de 1967. Et aujourd'hui, eh bien avec Anaïs Quien qui co-animera cette émission avec moi, nous vous donnons des nouvelles du monde il y a 50 ans en compagnie de l'historienne Frédérique Chilot qui en duplex depuis les studios de Radio France et du correspondant de Radio France à Jérusalem nous dira en quoi la guerre des six jours a été un moment particulier des relations franco-israéliennes. Et puis en deuxième partie de cette émission, nous recevrons l'historien Alexis Catu, auteur d'une thèse qui vient d'être publiée aux éditions du Félin, une thèse consacrée à la fabrique française du mythe de Che Guevara, disparu il y a 50 ans, c'était en octobre 1967. Nous sommes volontaires ! Nous sommes volontaires ! Il y a environ 2000 à 3000 manifestants qui maintenant descendent sur le bord droit de la chaussée. Ils sont canalisés, comme je vous le disais tout à l'heure, par d'importantes forces de police, mais pour l'instant, il n'y a aucun incident. La France avec nous ! La France avec nous ! La France avec nous ! La France avec nous ! Nous approchons maintenant de la place de l'Opéra. Nous sommes à quelques dizaines de mètres. Nous faisons d'ailleurs le tour de cette place de l'Opéra par les rues latérales qui l'entourent. Et le cortège des manifestants grossit sans cesse et s'allonge sans cesse surtout. Car en raison, comme je vous le disais tout à l'heure, de la canalisation qui est effectuée de cette manifestation par les policiers, ce cortège s'étire en longueur maintenant sur plus d'un kilomètre. Une archive du 5 juin 1967, une manifestation de volontaires pour Israël qui crie donc « Israël vaincra » en l'occurrence dans le Paris de 1967. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Et bonjour à vous Frédéric Chilot. Et nous remercions tout de suite Étienne Monin qui vous accueille dans son studio à Jérusalem où vous vous trouvez. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historienne des rapports entre la France et Israël. Vous avez fait votre thèse il y a quelques années sur les rapports entre les deux pays jusqu'en 1959. Mais évidemment, vous ne vous arrêtez pas à cette date de 1959, date pour laquelle vous avez reçu le prix Jean-Baptiste Durosel du meilleur livre de relations internationales lorsque vous l'avez publié chez André Versailles, ce livre. Et depuis, vous continuez à travailler sur d'autres moments de l'histoire de ce pays qui est Israël, et nous vous avons demandé d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cette guerre des six jours, donc une guerre importante, mais qu'il faut peut-être replacer dans un contexte plus long. Elle se déclenche comment et à quel moment donc peut-on parler de cette guerre des six jours, Frédéric Chilot? Déjà, c'est un état de guerre permanent, finalement, au Moyen-Orient. Les Arabes souhaitent un troisième round, après l'humiliation de 48, après l'humiliation aussi de 1956, quand la France et la Grande-Bretagne avaient mené une opération conjointement avec Israël, qui servait de prétexte, c'était la collusion tripartite contre l'Égypte. Les Arabes souhaitent une revanche. Et au premier sommet de la Ligue arabe au Caire, en janvier 64, pour la première fois, noir sur blanc, ils écrivent qu'ils souhaitent la liquidation définitive d'Israël. C'est par exemple, pour quelqu'un comme Yitzhak Rabin, la cause première de la guerre. Mais il y a d'autres causes aussi, par exemple le conflit sur le Golan, dans la zone démilitarisée du Golan, et puis la guérilla permanente en Cisjordanie. En réalité, aucune de ces causes ne peut expliquer le déclenchement des hostilités et cette escalade. Parce que, par exemple, pour cet état de guerre permanent, c'est vrai que les Arabes se préparent et souhaitent un troisième round. Mais par exemple, au deuxième sommet de la Ligue arabe, Nasser dit qu'il souhaite faire la guerre contre Israël, mais qu'il lui faut 10 ans, il n'est pas prêt. Il y a un tiers de ses troupes qui sont engagées au Yémen. Mm-hmm. De même, les escarmouches sur le Golan ou bien en Cisjordanie n'expliquent pas un tel déclenchement des hostilités. Et finalement, il y a un engrenage mortifère qui va prendre tout le monde de court, à commencer par les Français. Mmh. Anaïs, qui a... Oui, vous avez bien décrit cette multiplication d'incidents permanents, d'ailleurs le renforcement d'une certaine violence dans les discours. On ne veut pas forcément cette guerre immédiatement, mais les discours se durcissent, on appelle à la mort de l'ennemi, et la mort quasi immédiate, malgré le fait qu'on n'assume pas tout à fait la possibilité de pouvoir le faire immédiatement. Et ce qui paraît quand même très intéressant aussi dans ce que vous écrivez, Frédéric Chillot, c'est l'affaiblissement en fait du pouvoir politique en Égypte et en Israël qui va mener les militaires des deux pays à pouvoir pousser jusqu'à cet affrontement tout à fait précoce. Oui, c'est vraiment un affaiblissement du politique. Alors il est conjoncturel aussi parce que il y a une crise économique qui affecte à la fois l'Égypte et Israël. Il y a une crise du nasserisme en Égypte, et puis cela tient aux décideurs politiques. Par exemple, en Israël, Lévi Eshkol est quelqu'un de très modéré, qui est à la recherche d'un compromis permanent, dans la veine de Moshe Charette, qui fut ministre des Affaires étrangères. Et vis-à-vis des Arabes, il souhaite une coexistence. Cependant, c'est quand même lui, Lévi Eshkol, qui, depuis qu'il est Premier ministre, depuis 63, est ministre de la Défense, a préparé la guerre, a préparé les armées, et en fait la stratégie qui va réussir pendant cette guerre des 6 jours, c'est-à-dire l'aviation et les tanks. Il est vraiment le grand architecte. Mais c'est quelqu'un de modéré, et pendant cette période extrêmement anxiogène, qui est une véritable crise psychologique qui atteint les Israéliens. On l'a entendu aussi, par exemple, dans l'archive sonore à l'instant, dans le monde entier. Il y a vraiment la peur, une peur existentielle pour Israël. Et le journal Haaretz, par exemple, demande la démission pure et simple d'Eshkol et appelle Moshe Dayan à revenir au pouvoir. Mais par exemple, à Paris, les temps modernes, Sartre signe un édito en disant « Nous ne nous laisserons pas faire devant et nous agirons face à cet anéantissement et cette crainte d'un véritable anéantissement d'Israël. » Alors, tout de même, c'est difficile à croire ou à comprendre, comme vous nous le dites, Frédéric Chillot, que c'est une guerre qui se fait malgré tous les intervenants, sauf les militaires, évidemment. Et pourtant, c'est ce que vous défendez comme thèse, d'ailleurs, et c'est une thèse aussi que vous avez défendue dans un autre livre à propos de la guerre du Kippour. La guerre du Kippour n'aura pas lieu, que vous avez coécrit avec un autre auteur. En l'occurrence, vous dites, tout compte fait, ces guerres, elles interviennent, mais il n'y a pas véritablement de moteur, sinon la crise économique, sinon des acteurs militaires qui veulent aller au conflit, et puis l'affaiblissement du politique. Ce sont les seules raisons, selon vous, Frédéric Chillot, qui justifient le déclenchement d'une guerre comme la guerre des 6 jours? Alors, l'affaiblissement du politique signifie aussi qu'il y a un renoncement du politique et en fait une mainmise des militaires. Et les militaires souhaitent la guerre. Il y a, par exemple, en Israël, un véritable syndrome syrien. Les militaires souhaitent des combats contre les Syriens. Moshe Dayan dira dans une interview dans les années 70, qui sera ressorti après sa mort, qu'en fait Israël provoquait près de 80% des escarmouches et souhaitait le combat. Et puis il y a aussi ce que Raymond Aron a appelé des ironies tragiques, c'est-à-dire des prises de décision qui en fait échappent aux décideurs. Et les hommes font leur histoire, mais ils savent pas l'histoire qu'ils font. Et même les Israéliens vont se trouver dépassés par les événements, parce qu'il faut le rappeler, cette guerre au départ, qui est une guerre préventive menée par Israël, ou comme me dit Yigal Alon, une contre-offensive préventive, ça n'est pas au départ une guerre de conquête. Mmh. Et ça, c'est vraiment Moshe Dayan, qui a été appelé 100 heures seulement avant le déclenchement des hostilités à la tête du ministère de la Défense, qui lui va en faire une guerre de conquête par opportunisme et aussi par crainte des sanctions internationales. Mmh. Et d'une guerre défensive, alors qu'Israël a l'impression d'être pris en étau, ça devient une guerre de conquête. Et Moshe Dayan, le premier, en est surpris. Par exemple, le déclenchement des hostilités a lieu le 5 juin. Le 6, il hésite à entrer dans la vieille ville de Jérusalem et il dit même « Qu'allons-nous faire de ce Vatican ?» Et le lendemain, il est devant le mur des lamentations. Et ce sera une image iconique qui restera comme l'image de la guerre. Les soldats, visages extasiés devant le Kotel. De la même façon, la guerre se joue en quelques heures en réalité. Hein, ce 5 juin, quand Israël détruit totalement la flotte aérienne égyptienne et syrienne. Et le 7, voyant que les Arabes sont décimés, c'est une véritable humiliation, mais qu'il y a la menace d'une sanction internationale, comme peut-être aussi elle avait eu lieu en 56, les Israéliens craignent à nouveau d'être arrêtés, eh bien Dayan lance les chars sur le Golan, et il le fait en court-circuitant même le chef d'état-major Yitzhak Rabin. Anaïs Kien. Oui, vous nous l'avez bien rappelé, Frédéric Chillot. Finalement, cette guerre n'est pas une guerre de 6 jours, c'est une guerre de quelques heures. En quelques heures, les Israéliens prennent le dessus. Qu'est-ce qui explique peut-être qu'on en arrive aussi à une telle défaite des armées arabes en face? Israël était-elle, l'État et l'État-major israélien était-il certain de sa supériorité stratégique et militaire? Alors, le fait est que les Israéliens se préparaient à la guerre, même s'ils ne souhaitaient pas, sans doute, une conquête. Des plans étaient préparés et un chercheur israélien de l'Université hébraïque de Jérusalem, Gail Aaron, vient de publier un ouvrage où il montre les plans de conquête, par exemple. Mais c'est vraiment dans la vocation, c'est la vocation des militaires que de préparer tous les scénarios possibles. Et il y avait celui-ci d'une conquête. Il y avait surtout le plan Mokad, c'est le plan de destruction de toute la flotte égyptienne et syrienne. Et c'était un plan qui était préparé depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'en attaquant à 7h45 le 5 juin, en attaquant par surprise les aéroports de près du Caire et de Damas, 2 heures plus tard, les Israéliens ont anéanti quasiment toute la flotte. Et 2 heures plus tard, Ezer Weitzman, chef d'état-major de l'armée de l'air, appelle son épouse et dit « Nous avons gagné la guerre ». C'est vrai. 2 heures plus tard, la guerre est gagnée, les Arabes sont décimés. Pourtant, ils s'y préparaient aussi. Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez spécialiste et vous avez fait votre thèse sur ce thème-là, des rapports entre la France et Israël. Il faut peut-être faire rentrer dans ce jeu diplomatique de ces années-là, justement, la France du général de Gaulle, cette France qui a à voir avec ce qui est en train de se passer. Vous avez rappelé 1956, le canal de Suez, l'humiliation, dites-vous, des Arabes, mais peut-être aussi l'humiliation des Français et des Britanniques dans cette défaite du canal de Suez en l'occurrence, et donc le général de Gaulle qui, dans la tête de beaucoup d'entre nous, reste pour une déclaration qu'il prononcera plus tard, une déclaration qu'il prononcera en novembre 1967 lors d'une conférence de presse. Écoutons-le. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en vienne à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem. Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Un extrait d'une conférence de presse du général de Gaulle en 1967 dans notre émission qui est consacrée donc en première partie de cette émission du lundi à l'année 1967 et en particulier à la guerre des six jours. Anaïs Quien avec Frédéric Chilot. Alors on se trouve à la fin du mois de novembre, donc plusieurs mois après cette guerre des six jours. On entend bien le général de Gaulle acter d'une rupture dans la politique franco-israélienne. Et pourtant Frédéric Chilot, l'État israélien, les gouvernants israéliens ont consulté à la fois le général de Gaulle, le président de la France, mais également Johnson pour les États-Unis, avant d'opérer cette attaque défensive qui aura lieu début juin. Frédéric Chilot. Oui, il y a eu pendant cette période d'attente, une chance donnée à la diplomatie. Abba Eban, le ministre des Affaires étrangères, est venu à Paris, il est ensuite allé à Londres et aux États-Unis. Et à Paris, effectivement, en rencontrant De Gaulle lui a signifié clairement celui qui attaque le premier aura tort. Il est contre une déstabilisation du Moyen-Orient, contre cette guerre. Mais finalement, Johnson aux États-Unis dit exactement la même chose. Et c'est très intéressant ce voyage d'Eban qui, en revenant en Israël, insistera pour ne pas donner tout de suite la réponse de Johnson et pour ne pas l'envoyer télégramme, mais pour la donner de vive voix. Et en réalité, il change les intentions de Johnson parce qu'elles sont exactement les mêmes que celles de Gaulle. Les Américains, comme les Français, ne souhaitent pas de guerre, ils ne veulent pas de déstabilisation. Il y a déjà la guerre du Vietnam. Et ils ne veulent pas une nouvelle bataille, un nouveau front, finalement. Et de Gaulle dit cela, il le répétera à nouveau. C'est intéressant parce que pour de Gaulle, Israël, en réalité, et bon, avec le recul, ça peut paraître étonnant, mais Israël, avant 1967, c'est un élément modérateur, c'est un élément de stabilité au Moyen-Orient. Et dans la géopolitique française, Israël permet de stabiliser, notamment d'être un bouclier du Liban. On a souvent re-raconté cette histoire, en particulier de cette conférence de presse de 1967 et de l'expression « peuple d'élite sur de lui est dominateur » en disant que l'arrivée de Gaulle au pouvoir dès 1958 avait changé la posture, pourrait-on dire, de la France vis-à-vis d'Israël. Vous qui êtes spécialiste de cette question-là et qui avez travaillé pour votre thèse sur ces relations franco-israéliennes, vous allez à l'encontre de cette idée, Frédéric Chilot. De Gaulle continue la politique de la 4e République qui, rappelons-le, en particulier sous Guy Mollet, avait aidé Israël à se fournir en bombes nucléaires. Il continue dans les premières années de son pouvoir et 1967 apparaît vraiment comme une rupture. Est-ce qu'il y a des prémices à cette rupture entre la France et Israël et au changement de cap, pourrait-on dire, de la politique française vis-à-vis d'Israël et des pays arabes voisins? En réalité, oui, de Gaulle continue certains aspects de la politique de la 4e, notamment le soutien militaire. Malgré l'embargo, finalement, la France continue à vendre des armes à Israël et pendant la période 67-69, elle en vend même davantage que les Américains. Il faut aussi rappeler que la guerre des six jours se fait grâce au matériel français, au Mirage français. Mais effectivement, 67 est une rupture, c'est une rupture dans la géostratégie française. Mais en réalité, dès son retour au pouvoir, de Gaulle a changé et a souhaité changer les relations vis-à-vis d'Israël. Il a voulu délier une relation trop marquée avec les militaires. C'est en fait, cela fait partie de la politique de grandeur, retrouver l'indépendance de la France et notamment son indépendance militaire, parce que les liens étaient vraiment quasi fusionnels entre les états-majors, entre les militaires. Il y avait d'ailleurs, c'était une diplomatie en uniforme, parce que tout se faisait au prisme du militaire et de la guerre d'Algérie. Dès 1958, de Gaulle souhaite marquer le pas, normaliser les relations. En réalité, il envoie un nouvel ambassadeur qui arrive à Tel Aviv, et lui parle de démystification. Il s'agit de changer les relations et d'essayer de renouer avec le monde arabe. Suez a été une catastrophe sur le plan politique et diplomatique. C'était une réussite militaire, mais politiquement et diplomatiquement, c'est une catastrophe. Il nous reste aux Français qu'Israël et que le Liban, le seul pays arabe à ne pas avoir rompu les relations diplomatiques. Et de Gaulle souhaite faire de la Méditerranée l'espace où projeter sa grandeur. Donc il souhaite renouer avec les États arabes, même s'il ne le fait pas de façon rapide et précipitée. Mmh. Mais il va renouer avec l'Arabie Saoudite, avec l'Irak, avec la Syrie. Et d'ailleurs, c'est intéressant, le retour des relations avec la Syrie en 62 sera annoncé le premier. Pourquoi ? Parce que pour De Gaulle, c'est vraiment la stratégie, la politique levantine. La France est présente en Syrie, il faut qu'elle soit présente au Liban. Elle est rappelons présente... que le militaire de Gaulle s'est rendu en Syrie lorsqu'il était militaire, pendant l'entre-deux-guerres en particulier. Oui, oui. Et évidemment, Israël joue ce rôle de bouclier du Liban. Israël, en fait, empêche le panarabisme. Et c'est le seul intérêt pendant très longtemps, c'est le seul intérêt des Français de soutenir Israël. Mmh. La lutte contre le panarabisme au Proche-Orient et le soutien à l'Algérie contre l'influence de Nasser supposée en Algérie. Mmh. Anaïs Quin. Oui, Frédéric Chillot, il y a d'autres grilles d'analyse qui tentent d'exister aussi dans l'analyse de cette guerre des six jours. Vous rappelez dans un entretien récent dans les clés du Moyen-Orient que certaines thèses aujourd'hui voient le jour, ne sont peut-être pas très convaincantes et font débat, mais sur le rôle de la guerre froide aussi en prise et connectée directement avec cette guerre des six jours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être aussi les débats autour de cette thèse sur l'implication de la Russie qui aurait, je crois, livré de faux renseignements participant à l'exaspération de la situation de juin 1967? Oui, c'est une thèse d'ailleurs qui est une thèse de chercheurs israéliens, notamment Isabella Ganor, Gideon Remez, qui veut que la Russie et l'URSS aient vraiment cherché et poussé les belligérants à la guerre. C'est vrai qu'il y avait des fausses informations données aux Syriens, que les Syriens ont réutilisées pour les donner aux Égyptiens et pousser Nasser à remilitariser le Sinaï. C'est vrai que cette thèse est très discutée aujourd'hui. Elle fait toujours débat. Pourquoi ? Parce que évidemment, les deux grands n'avaient même l'URSS n'avait pas intérêt à déclencher de nouvelles hostilités, un nouveau front au Proche-Orient. D'autant plus que, on l'a dit, ses alliés, les armées arabes n'étaient pas préparé, l'Égypte notamment, donc avait un tiers de ses troupes engagées au Yémen. Il y avait de nombreux conflits et les Syriens n'étaient pas forcément non plus prêts à un choc contre Israël. Alors c'est vrai qu'on a parlé de grands moments d'angoisse, Israël pris en étau pendant les jours précédant le déclenchement du conflit, mais il avait, oui, une supériorité militaire, un entraînement extraordinaire, et ça, Moscou le savait aussi. Alors, il y a un pendant à tout ce qui vient d'être dit, et qui a été dit dans la conférence de presse de 1967 du général de Gaulle, président de la République française, c'est la question de l'occupation. Évidemment, Frédéric Chillot, il dit cette occupation ne pourra aller sans répression et sans résistance qu'Israël va désormais appeler terroriste. Et il y a là aussi une donnée nouvelle, pourrait-on dire, c'est cette occupation de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, du plateau du Golan, qui d'une certaine façon va, disons, à la fois agrandir le pays, mais aussi empoisonner la relation de long terme avec ses voisins. Oui, vous avez bien fait de redonner quasiment l'entièreté de cette citation, parce qu'on parle que de la première partie, hein, peuple d'élite sur de lui-même dominateur, qui a extrêmement choqué. Raymond Aron parlait de l'ère du soupçon, le soupçon de l'antisémitisme. Mais il y a cette deuxième partie où De Gaulle se fait Cassandre et où il parle, oui, d'une occupation qui ne peut pas aller sans oppression, répression, expulsion. On n'est pas éloigné de la réalité dans les faits. Les Israéliens, dans la deuxième partie de la guerre, donc on menait une guerre de conquête, ont été totalement surpris par l'avancée rapide qu'ils menaient, notamment en Cisjordanie, du fait de l'erreur dramatique du roi Hussein aussi, qui s'était allié avec les Égyptiens, qui avait promis à Israël de ne pas intervenir dans la guerre. Israël conquiert la Cisjordanie, entre à Jérusalem-Est, et il y a une euphorie extraordinaire, une euphorie mystique à ce moment. Cela touche tout le monde, personne n'est épargné par cela. Et de fait, même ceux qui étaient récalcitrants et hésitants, qui sentaient que cette occupation ne serait pas sans heurts, sont pris dans le mouvement. Le 19 juin, il y a tout de même un conseil de gouvernement en Israël qui propose de laisser les territoires, notamment le Golan et le Sinaï, contre une reconnaissance et peut-être des prémices de négociations de paix. Mais c'est vrai que pour la Cisjordanie, très vite, on est dans l'occupation, mmh, et dans le processus d'occupation qui est mené par tout le monde, par la gauche, par un Moshe Dayan qui est ministre de la Défense, mmh, parce que c'est le ministère de la Défense qui l'organise, par la gauche, même si par exemple quelqu'un comme Yitzhak Rabin, dès 1976, parlera de l'occupation comme d'un cancer dans le tissu social israélien. C'est mené aussi par la Histadrut, le syndicat, qui voit là quand même un moyen d'avoir des salaires, mmh, et d'avoir de l'emploi à bas coût. Tout s'organise et il y a une annexion qui n'est pas, dont on espère qu'il n'y aura pas de sanctions, mais c'est vrai que dès juin, l'Assemblée générale de l'ONU discute de l'occupation des territoires et elle est incapable de se mettre d'accord sur un texte. Mmh. Et pourtant, à l'Assemblée générale, compte tenu de l'état des membres, il y a une majorité qui est possible avec entre les non-alignés, les soutiens du bloc soviétique, etc. Mais Frédéric Chillot, peut-être pour parler un petit peu de l'effet de cette victoire surprenante sur la société israélienne elle-même, il y a un film qui est sorti en 2015, Censored Voices, qui tentait justement aussi de modifier un petit peu le récit traditionnel de cette euphorie de la victoire en donnant la parole grâce à des bandes sonores retrouvées d'interviews de soldats israéliens venus exclusivement des kibbutz, il me semble, qui racontaient à la fois la sidération aussi de cette victoire et de cette occupation sur les soldats eux-mêmes et la mélancolie qui s'ensuit et les analyses que ceux qui vont enregistrer ces soldats quelques jours seulement après leur retour chez eux, après cette guerre, cette mélancolie, ce doute et les questionnements qui surgissent très rapidement dans la société israélienne elle-même face à ce nouvel état de fait. Frédéric Chillot. C'est vrai, oui, il y a des questionnements et la société israélienne sent bien qu'il y a quelque chose de à la fois de positif et de mystique à renouer avec la Judée-Samarie, avec le Jérusalem qui est au cœur de cette mystique là, mais effectivement à gauche on sent très bien que l'occupation ne se fera pas sans répression, mais il y a quand même il faut le dire, il y a quand même une euphorie qui atteint absolument tout le monde, mmh, même les archéologues, les scientifiques israéliens se ruent en Cisjordanie pour aller fouiller sur les sites bibliques. C'est vrai qu'il y a une morale et une conscience que cela se fait aux dépens de la population palestinienne. Mais il faut dire aussi qu'en 67, il y a un changement total de perception à l'égard de la question palestinienne. Le Palestinien réfugié, de l'image de réfugié, devient un Palestinien combattant. Avant 67, il y a en fait très peu d'escarmouches et d'attaques avec les Palestiniens, une centaine par an. Après 1967, c'est vraiment la naissance du nationalisme palestinien. Il y a plus de 5000 attaques et cela aussi doit être pris en compte dans l'idée que les Israéliens se font de ces nouveaux territoires occupés. Merci beaucoup, Frédéric Chilo, d'être venu nous exposer en tant qu'historienne justement les enjeux de cette guerre des six jours de 1967 dans une série d'émissions donc de la Fabrique de l'Histoire consacrée à cette question. Je rappelle que vous aviez donc publié chez André Versailles en 2012 La politique française à l'égard d'Israël 1946-1959, que vous êtes également co-auteur de La guerre du Kippour n'aura pas lieu, toujours chez André Versailles en 2013, et que vous venez de publier dans le très beau livre qui vient de sortir sur les archives secrètes du Quai d'Orsay, la date 1949. Merci encore à vous ainsi qu'à Étienne Monin, correspondant de Radio France à Jérusalem, qui vous a accueilli dans ses studios. Merci. Merci à vous. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Je défendrai contre tout ennemi le sable et la terre qui m'étaient promis. Je défendrai le sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël. Tous les Goliaths venus des pyramides peu connu de Serge Gainsbourg, Le sable et le soldat, composé le 6 juin pendant cette guerre des six jours. Donc, et nous passons à une autre date de 1967, puisque cette série d'émissions est consacrée à l'année 1967, il y a 50 ans. Avec vous, Alexis Catu, bonjour. Bonjour. Vous avez soutenu il y a presque deux ans maintenant votre thèse à l'université de Rennes, sous la direction de Gilles Richard, c'est cela? Oui. Avec dans ce jury de thèse Olivier Compagnon ou Olivier Dard en particulier. Mm-hmm. Et cette thèse vient tout juste d'être publiée, un extrait de cette thèse, parce que ça n'est pas la thèse dans son intégralité, j'imagine. Aux éditions du Félin, sous le titre Ernesto Che Guevara, la fabrique française d'un mythe 1957-1967. On trouvait intéressant que vous succédiez à Frédéric Chilo, puisqu'on a beaucoup discuté avec elle de la relation entre la France et Israël. On a beaucoup parlé du général de Gaulle, et que le général de Gaulle n'est pas pour rien non plus, ainsi que les gaullistes d'ailleurs, dans l'émergence de cette figure de la révolution cubaine qui était l'Argentin Ernesto Guevara. Alors oui, disons pas pour rien déjà, parce que c'est vrai que les relations avec Cuba finalement ont été dès le départ, disons validées, enfin le nouveau pouvoir a été validé par le général de Gaulle dès son intronisation en 59. Les gaullistes... Il n'y a aucune contestation de la part de l'État français. Ah, du tout. Tout de suite, ils reconnaissent le nouveau pouvoir. Bon... La différence avec les États-Unis, c'est quand même les États-Unis ont des intérêts très importants là-bas. Mmh. La France, on n'en a quasiment pas. Mmh. Donc la France n'avait pas grand-chose à perdre, voire même d'ailleurs dans une politique de souveraineté nationale, d'affirmation de la France sur le plan international. Bon, justement, Frédéric Chilo a pu l'expliquer aussi pour le Moyen-Orient. C'était finalement... donner des coups d'épingle, si je reprends le député Marcenet. Albert Marcenet, dont c'est j'ai ça. Découvert l'existence grâce à vous, mais je dois reconnaître qu'il est quand même assez sympathique, cet Albert Marcenet. Il va faire une mission là-bas, avec alors qu'il est vice-président d'une commission culturelle de l'Assemblée nationale, et il est vraiment emballé par ce qui est en train de se passer à Cuba, et il dit ça permet de donner des coups d'épingle dans les fesses des Américains. Et en plus en 65. Ouais. Et donc quand même 6 ans après la victoire des révolutionnaires cubains, alors que Cuba est tout de même... Oui, les choses ont bien changé. Et comment ? Les choses ont bien changé en 6 ans, en 59. On n'imagine pas l'ampleur du phénomène cubain non, à l'échelle mondiale. C'est sûr. En 59... En 65, les choses ont avancé. Il aurait peut-être pas pris la peine, disons, de dire ça. En fait, il y a différents éléments. C'est vrai qu'il y a l'évolution de la révolution cubaine, puisque à partir de 65, déjà, Guevara n'est plus là. Ça peut rassurer un petit peu. En 64, De Gaulle a fait sa tournée en Amérique latine, donc à la fin de l'année. Il a été, vanté un petit peu par tous les gouvernements, par la population aussi. Donc, en fait, c'est vrai que la France, non seulement n'a pas grand-chose à perdre à concurrencer les États-Unis, mais en plus, elle essaie finalement de s'implanter un petit peu en Amérique latine, notamment par les ventes d'armes d'ailleurs, qui vont augmenter progressivement, sans non plus pousser jusqu'à déstabiliser le rival états-unien. Ça quand même, on reste, disons, dans la solidarité du camp capitaliste, mais tout ce qui peut embêter les États-Unis, c'est tout de même intéressant pour De Gaulle. Anaïs Kien. Alors peut-être pour en venir à notre personnage central, Che Guevara, ce qui va construire aussi, ce qui va théâtraliser son existence à l'échelle mondiale, ce sont les différentes tournées du monde que Che Guevara va faire au cours de sa vie et des moments qu'il va choisir aussi pour se mettre en scène. Vous parlez notamment d'un de ses voyages à Pékin, d'un voyage à Moscou, où il s'applique à donner du temps et à recevoir la presse du monde entier, pour Moscou notamment Le Monde, un journaliste du Monde, auquel il va donner une très longue interview, une interview fleuve, qui aura une place de choix dans ce quotidien qui est déjà très important en France. Et cette interview va construire un personnage Che Guevara en phase avec les goûts du temps, c'est-à-dire répondant à cette grande appétence théorique de la fin des années 60, cet homme qui ressemblerait physiquement et dans sa manière de se vêtir et de s'apprêter à la jeunesse française de cette fin des années 60. Finalement, il y a une théâtralité de lui-même, une mise en scène de lui-même qui fonctionne très bien et qui circule à travers le monde sans cesse. Alexis Catu. De son vivant, déjà. Disons, effectivement, il y a une théâtralité, mais qui est liée quand même à l'héritage des révolutionnaires cubains disons, dès leur prise du pouvoir, et même avant la prise du pouvoir. Finalement, lui, il va garder la tenue de guérillero, puisque, contrairement à Fidel Castro, qui est peut-être moins décidé sur la voie à suivre, lui, dès le départ, ce qu'il veut, c'est déclencher la révolution mondiale. Enfin, dès 59, peut-être pas. Par la guérilla. Mais par la guérilla. Effectivement, pour lui, la lutte armée, c'est le point, c'est la manière la plus adaptée pour détrôner l'impérialisme états-unien et puis par la suite pour pousser le camp socialiste à suivre finalement un nouveau modèle, une troisième voie révolutionnaire. Donc devenu ministre, il ne range pas son uniforme militaire. Au contraire. Il reste en tenue de guérillero. On n'a jamais de photo en costard. Hein. Oui, on peut penser d'ailleurs à Yasser Arafat plus tard, puisqu'on parlait d'Israël, c'est effectivement la même tenue de battle dress qu'il va porter tout le temps avec son fameux bonnet. Et aussi, Anaïs insistait là-dessus, ce caractère iconique qui tient aussi à son charme, à un certain charme, un charme qu'il a exercé, et c'est le grand intérêt de votre livre, auprès de tous les journalistes français, de gauche et de droite d'ailleurs, parce que on voit dans les entretiens, et comme il parle français, tout le monde se bouscule pour pouvoir l'interviewer, que ça soit Jean Daniel, que ça soit des gens du Monde ou d'autres journaux, y compris du Figaro, et ils sont assez fascinés par le personnage, dites-vous, Alexis Catu. Alors oui, justement, ils vont, si on prend les journalistes du Figaro, si on prend même Jean Daniel aussi, ou K.S. Carroll du Nouvel Observateur, ils vont avoir aussi une analyse critique sur, disons, les chances de réussite. Mais on fait le tri quand même autour de ce personnage de Che Guevara. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres auxquelles on croit un peu moins. Voilà, oui, ça c'est sûr. Et en fonction des différents journaux, des différentes lignes éditoriales, bon, le Figaro rejette totalement, ça, il n'y a pas de doute. Le Nouvel Obs est déjà dans une attitude davantage volontariste dans la suite de la décolonisation et du soutien aux indépendances algériennes notamment. Et même, disons, jusqu'à 67, jusqu'à sa mort, on va avoir des articles, notamment d'Albert-Paul Lantin, qui va vraiment soutenir la lutte armée et la révolution mondiale, en espérant, disons, qu'elle bouleverse l'ordre établi. C'est davantage aussi, disons, la lutte armée est peut-être moins soutenue que l'idée de bouleverser le monde qu'on estime injuste. Alors, 67, c'est une année particulière pour Ernesto Che Guevara. C'est parce que c'est l'année de sa mort, évidemment, je l'ai rappelé en ouverture de cette émission. Mais c'est aussi l'année du guérillero héroïque, tel que le proclame donc Fidel Castro le 1er janvier 1967, qui dit où qu'il se trouve, parce qu'il a disparu, vous l'avez dit, en 1965. Mm-hmm. On ne sait pas où il est. Il n'est plus nulle part, c'est ça. Où qu'il se trouve, nous lui adressons notre salut. La presse impérialiste l'a déjà tué plusieurs fois, mais tel le phénix, il renaîtra un jour de ses cendres, là où on attendra le moins, en l'occurrence. Donc on voit bien qu'il y a aussi un caractère presque d'attente du Messie qui revient, d'une certaine mm-hmm. façon. Et pendant 2 ans, il a joué sur cette attente-là, même si, après avoir rencontré toutes les têtes du monde, en particulier du monde révolutionnaire, il a disparu quelque part entre l'Afrique et l'Amérique latine, Alexis Catu. Oui, et disons que là-dessus, Fidel Castro a su jouer aussi sur la disparition pour effectivement, disons, renforcer une légende. La légende, finalement, elle part déjà quand même de la guérilla, mais là, elle reste essentiellement sur Cuba et l'Amérique latine. À partir du moment où il y a la disparition, la légende de Guevara, disons, va gagner l'ensemble du monde. Mais il est bien pratique. On peut l'imaginer partout. Au loin, puisqu'il ne répond plus. Alors, il est bien pratique, mais en même temps, je pense que Castro et Guevara se sont partagés les pouvoirs, en fait. Même si il y a pu y avoir des dissensions, à mon avis, il n'y a pas eu des ruptures politiques. Guevara s'est toujours estimé le second de Castro, et en s'estimant le second, bon, bah, lui, à Cuba, finalement, il a échoué en menant sa politique économique. Il va mener, disons, il va servir d'avant-garde, de fer de lance pour la lutte armée et la propager au monde entier. Travailler quelque part pour la révolution, comme le disait Fidel. C'est ça. Disons, aider à rompre son isolement aussi. Anaïs. Oui, Ernesto Che Guevara se promène énormément à travers le monde, mais il écrit aussi et il va être publié. Vous rappelez dans votre ouvrage le rôle de Maspero et de sa librairie et de ses éditions dans la diffusion de ses écrits. Alors, Maspero, disons, c'est le vecteur essentiel, presque pas unique non plus, mais le vecteur essentiel de diffusion de la pensée guévariste, puisque en France. En France. Et en français. Alors, en France, mais même un peu au-delà aussi. Hein, en Afrique, en Amérique latine, mais bon, surtout en Afrique, on va trouver des livres de Guevara traduits, notamment avec l'aide de Pierre Rouge que connaît François Maspero. Et Maspero va chercher, disons... Je pense pas que Maspero était guévariste. Maspero, c'était davantage l'idée d'aider à bouleverser la société française. De démultiplier les voix aussi. Oui, aussi, effectivement. Et de faire connaître les voix du tiers-monde qui étaient pour l'instant, jusqu'à présent, délaissées. Et spécialement l'Amérique latine qui n'était pas encore entrée sur la scène internationale finalement avant 65. Alors c'est intéressant parce que vous racontez que lors d'un de ses crochets, avant de disparaître complètement en 1965, entre plusieurs capitales, il déboule à Paris, place Paul Panlevé à côté de la Sorbonne. Et il va faire quoi? Il va discuter de l'édition de ses œuvres complètes telles que François Maspero lui propose, Ernesto Che Guevara à ce moment-là. Oui, il l'avait déjà rencontré un an avant, en 64, à l'ambassade cubaine. Et puis il l'a rencontré justement le 30 janvier, avant d'aller en Algérie. Et c'est à partir de là, disons que... l'anthologie des thèses guévaristes, connue à l'époque, hein, tout du moins, puisqu'on a encore retrouvé par la suite, et le régime cubain en garde encore certaines d'ailleurs, certainement, l'anthologie des thèses guévaristes va être publiée en France jusqu'à 72. Anaïs Kien. Ce qui peut-être encore étonner, parce que finalement la figure de Che Guevara, on en est un petit peu lassé aujourd'hui, c'est peut-être la réussite de cette communication en temps de guerre froide, c'est-à-dire ce mouvement tiers-mondiste qui trouve sa tête de pont, qui trouve son incarnation dans ce personnage et qui va réussir à perdurer dans l'espace public plus ou moins mondial, mais en tout cas dans des espaces importants, malgré cette lutte entre les deux blocs, entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui pourtant ne s'achèvera qu'en 89. Alors, justement, c'est ce qui donne un plus, disons, à Guevara, c'est qu'il a théorisé son action et il l'a aussi projeté pour ouvrir une autre voie révolutionnaire. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il va marquer doublement l'opinion publique. D'abord, effectivement, par l'image, Ça, il en est bien conscient. Le photographe l'aime beaucoup aussi. Le photographe l'aime beaucoup. Oui, et Corda, pas que, d'ailleurs, pas que lui. Effectivement. Feltrinelli, qui est pas un photographe, exploitera bien aussi son image. D'ailleurs, l'exploitera. Feltrinelli, le grand éditeur de gauche italien, en particulier. Même Jim Fitzpatrick, qui, lui, l'exploitera pas du tout, puisque il te donnera son image gratuitement à l'ensemble des mouvements de contestation. Pour la rendre disponible à tous, voilà, et à tout moment. Qu'elle soit utile, qu'elle serve de catalyseur pour la mobilisation. Et disons la stature de Guevara, elle vient aussi, et sa postérité vient aussi du fait qu'il va chercher à ouvrir une autre voie. Et à partir du moment où il estime que la guerre froide d'être dépassée entre cette coexistence pacifique entre les États-Unis et l'URSS, qui pour lui pollue une possibilité de révolution mondiale. C'est ce qui va laisser une trace, disons, dans c'est sa proposition. Théorique. Voilà, c'est sa proposition et sa tentative aussi, d'ailleurs, qui a échoué. Alors, votre livre publié aux éditions du Fénin, tiré de votre thèse Alexis Catu, comporte encore bien d'autres aspects, en particulier un très beau chapitre intéressant qui nous renoue avec cette histoire lointaine de Régis Debray en Bolivie. Un aspect très très intéressant, vous montrez là aussi le rôle de Gaulle, des réseaux gaullistes, parce que Régis Debray est le fils d'une dignitaire, pourrait-on dire, qui a soutenu l'arrivée de Gaulle au pouvoir en 1958, et vous expliquez très bien combien ce moment a été un moment très important aussi de la popularisation de l'image de Che Guevara, en particulier décédé et assassiné en octobre 1967. Votre livre s'intitule « La fabrique française d'un mythe, 1957-1967, Ernesto Che Guevara ». Il est signé Alexis Catu, chez les éditions du Félin. Merci d'être venu pour nous en parler. Alors, on continue demain sur l'année 1967, mais une sorte de date secrète, pourrait-on dire, avec le documentaire que vous avez composé, Anaïs Quien, avec Anne Fleury. Donc, une date secrète parce que c'est une date d'écriture d'un texte qui n'a été mise en scène que bien plus tard. Et qui a été publié très tard également, puisqu'il s'agit d'un texte de Charlotte Delbo qui s'intitule « Ceux qui avaient choisi », mais qui a été publié une première fois de manière tronquée avec un autre titre. Mais il n'en reste pas moins que Charlotte Delbo écrit ce texte en 1967 en imaginant une discussion sur la guerre entre une ancienne rescapée, donc son double théâtral, puisque Charlotte Delbo a été déportée pendant la guerre en tant que résistante, une discussion entre une ancienne rescapée des camps et un Allemand qui dit avoir fait la guerre, non pas contre son gré, mais de manière un petit peu inconsciente. Et cette discussion est importante parce qu'elle rappelle un certain point d'étape que vont être les années 60 dans la résurgence de la mémoire de cette guerre, mais également un point d'étape dans la vie de Charlotte Delbo, c'est-à-dire comment revivre après, comment éventuellement faire de nouvelles rencontres amoureuses, puisque Georges Dudac, le mari de Charlotte Delbo, a été assassiné 20 ans plus tôt dans les par l'occupant nazi au Mont-Valérien en 1943. Voilà. Donc c'est aussi une rencontre entre un homme et une femme en 1967 sur une place d'Athènes. Et cette histoire, donc ceux qui avaient choisi, donc est désormais mise en scène, et c'est cette mise en scène que vous avez suivie avec Anne Fleury. On croyait alors que les femmes n'avaient pas à craindre pour leur vie. On ne savait pas ce qu'était la déportation. Que Paul ne l'ait pas su m'a souvent consolée ensuite, quand j'étais au camp. Le point de départ, c'est ma découverte de Charlotte Delbo par ce qu'on appelle la trilogie concentrationnaire, les trois livres aux éditions de Minuit, qui m'a soufflé complètement. C'est une vraie découverte, mais comme pour beaucoup de gens, je pense. Et donc, je parlais de ça avec Jean-Claude Grimbert, le père d'Olga, qui est mon oncle que j'ai toujours connu, qui est très proche, avec lequel j'ai grandi. Et un jour, il me met entre les mains ce livre, qui est un livre qui contient deux textes théâtraux, un très court qui s'appelle « Une scène jouée dans la mémoire », et le deuxième, je ne sais plus, c'est la pièce avec toutes les femmes. Et donc le texte court, c'est ça que je lis et qui m'hallucine, et je me dis « mais il faut monter ça », enfin je suis très touché. En fait, c'est la scène de la prison, des adieux, entre Françoise et Paul, donc entre Charlotte Delbo et son mari Georges Dudac. Je me dis qu'il faut monter ce texte. Je me rends compte très vite que c'est pas possible. C'est-à-dire que si on le monte, ça fait 20 minutes, ça n'a pas de sens. Enfin, je laisse cette idée en moi, mais ça reste autour de moi pendant des années. Et à force de lire des choses, j'apprends que ce texte fait partie d'un ensemble plus vaste qui n'a jamais été publié. Donc je passe des années, hein, je ne sais pas exactement à quelle époque les choses se passent, mais au bout d'un moment, j'apprends que ce texte va être publié, qu'il s'appelle « Ceux qui avaient choisi », et il est publié en 2011. Et là, je refais tout le film et je me rends compte que « Ceux qui avaient choisi » a été écrit par Charlotte Delbo en 1967. C'est pas publié, c'est pas joué. Il y a une dramatique sur France Culture en 77. Cette version écourtée est publiée en 95. C'est ça que j'ai découvert grâce à mon oncle. Puis, la version intégrale est publiée en 2011. Et c'est là que le projet existe vraiment. Quand je suis revenue à moi, j'ai vu les soldats debout qui attendaient. Il m'a fallu une minute pour me souvenir, et là j'ai cru que mon cœur éclatait. Ils m'ont aidé à me remettre debout. Voilà, donc un extrait du documentaire qu'on pourra entendre demain dans la Fabrique de l'Histoire en scène avec Charlotte Delbo, Ceux qui avaient choisi, un documentaire d'Anaïs Quien et d'Anne Fleury. Nous continuerons notre série consacrée à l'année 1967 en parlant mercredi de Loin du Vietnam de Chris Marker et jeudi de Culture et héritage politique de la jeunesse d'Europe en 1967, un an avant 68. Et comme d'habitude, vous pouvez donc savoir que cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Nous avions avec nous à la technique aujourd'hui Juliette Delperroux et à la réalisation Anne Fleury. Si vous voulez écouter ou réécouter ces émissions, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture et discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.